de soldats sur son lit d'hôpital, la tête de branlée comme une momie, les deux yeux crevés derrière de grosses lunettes noires, des lignes de combat, opération de survie, et dans sa tête tout est mutilé, et puis les images sont-ils hantées, et dans sa tête tout enveloppé, il pleut les images comme de la boue glacée. Laisse-le, ce drapeau de la colère, laisse-le, pour des polices en terre, laisse-le, la police et la guerre, laisse-le, c'est une amie de frère. Alerte, alerte, ce sont les bombes en napalm. Alerte, alerte, c'est le en Afghanistan. Alerte, alerte, les gaz et les déployants. Alerte, alerte, c'est le son du Nicaragua. Les jouets piégés, mais dis-moi ça. Alerte, alerte, c'est le sur le Liban. Sur les Palestiniens, c'est une pluie de sang. Laisse-le, laisse-le, c'est pas chaud ni macho. Laisse-le, laisse-le, c'est son gagne d'hiver. Laisse-le, laisse-le, c'est un napalm. Laisse-le, laisse-le, international. Alerte, alerte, petit dans Sibérie. La neige qui tombe et tout pour les filles. Alerte, alerte, une queue sur le Chili. Les coups de matraque jusque dans ton lit. Et tiens dans Bessie, le royaume des Italies. Le ciel est noir comme le rapport de la Chine. Et tiens dans Bessie, si on offre mon livre. Le capitalisme est-il un choix des familles. Laisse-le, ça c'est hypocrisie. Laisse-le, trop d'idéologie. Laisse-le, c'est un arbre à Paris. Laisse-le, trop de droit à la vie. Alerte, alerte, loi sécuritaire. La France est fière de ses valeurs policières. Alerte, alerte, aux prisonniers d'opinion. Et dans les prisons, liberté, qui t'en ont. Alerte, alerte, il pleut même en Afrique. Des milliers de chrétiens passent une goutte de pluie. Alerte, alerte, il a fait la Tchernobyl. Je suis militaire, alors vous prenez pas de ville. Laisse-le, pour les peuples en détresse. Pour le grand respect. Laisse-le, à toute dignité. Laisse-le, pour tous les opprimés. Chers les soldats, sur son lit d'hôpital. Et que je promets derrière les grosses lèvres noires. Il peut pas parler, il sait plus quoi penser. De toutes les images qui l'ont traumatisé. Moi je le soldat, il est bête à patrie. Désert de la terre, va donc au paradis. Et si c'est l'enfer, change de galaxie. C'est tant dans la terre, c'est que tout est pourri. Laisse-le, fermons pas les yeux. Laisse-le, oui, nous devons faire mieux. Laisse-le, il faut le pour la tête. Laisse-le, si justice nous soit fait. Laisse-le, ouais, c'est un terrorisme. Laisse-le, nationalisme, c'est le drapeau mondial, international. Gaétan, c'est pas grave, ça, ma belle Gaétan. Le but de l'émission, c'est de paraître intelligent. Et monsieur, t'as du travail à faire? Oui. Et puis, crois-moi, tu vois, mais... Non, j'ai misère à partir en deuxième, moi, là. En première, ça va, mais le deuxième, là, je trébuche et je chapeaute. Chapeauté? T'es complètement chapeauté. Oui, et en passant, mon petit Gaétan, 25 millilitres, là, c'est-tu un amuse-gueule ou un ferme-ta-bouche? C'est un ferme-ta-bouche. Bon, ben, écoutez. Je vais en prendre deux ferme-ta-bouche. OK. Comment tu vas faire pour prendre ton amuse-gueule? Oh. Hey, toi, t'en poses des bonnes. On sent. Non, mais c'est un ancien maire, ce gars-là. Ça a pas l'air, là. Ça a l'air. Juste à l'entendre, là, dit, oh! Oh, confusion! Mère, dis-moi qui est la mère. Non, c'est le maire. Le maire. On sait pas. Ni c'est 25. On sait, 25, c'est quoi? 25. Ça, c'est le plus bel âge du monde? Oui. Pour une femme, une fille-femme, c'est comme ça qu'elle les en vit, oui. Et ah bon, nous, je m'étais coiffé. Madame, nous, là, c'est pas superficiel ce que l'on fait. Coiffer, pas coiffer, dentier, pas dentier, brosser, pas brosser, sale propre, l'errance rénaldienne n'a pas d'odeur. Mais pas d'odeur arrive aux ondes. Dans le micro, monsieur. Oui, non, Monsieur, c'est qui ça? C'est le gars qui est sorti, on l'a oublié la semaine dernière. Tu te rappelles? Non, je me rappelle pas, moi, regarde. 2 heures, là, puis après, je sais même plus où je m'en vais, je sais même pas où je suis, je ne sais même plus. Et c'est mieux comme ça. Pour ça que ça me ramène à chaque fois à me tromper, à refaire les mêmes chutes, à me faire paraître un peu humain à travers mon côté explorateur. Explorateur, oui, bien, en fait, explorateur de l'univers créatif. Et surtout, ça c'est important là, surtout l'emphase. Au théâtre, on a toujours travaillé sur l'emphase. Hein? L'acteur studio à New York. Le comédien Al Pacino. Je sais, dans la rue, je me promène, là. On me dit « Hey, tu y ressembles! » Effectivement, après son opération, qui n'a pas réussi. « Oh, j'y ressemble! Hey! » Là, il est en procès, là, parce que son visage n'est plus un visage. Le mien n'a jamais été un. N'a jamais navigué, non. Quoique, je fais de le 100 mètres crasse. Ah, mon Dieu, ça pue. Ah, c'est ça. Il ne faut pas être très propre, déjà, là. 3 semaines, pas de lavage, là. Tu vas faire ton crasse, pas à peu près. Puis le papillon, ça, c'est, il faut... Tout est dans la tête. Ah, non, c'est pas vrai. Comme d'habitude. Tout est dans la... Attends, tu recommences. Tout est dans la tête. Tu plonges dans l'eau. Puis là, quand tu remontes, tu... Quoi, un papillon? Tu replonges. Oh non, je suis un papillon. Tu remontes. Tu retournes. Un papillon. Comme ça. C'est quand t'es plongé, tu dois te voir papillon. Se voir, c'est être. Ça dure pas longtemps. Là. C'est un spasme de 30 secondes. Là. Même pas. On divise ça par 100, même un dixième de seconde. Juste assez là pour monter en haut, t'envoler et replonger. Ensuite, tu cales. Tu dis, oh non, c'est vrai, j'ai, attention, aïe. Et puis là, parce que les idées, ça fait mal. Aïe, oh, je suis un papillon. Puis là, tu remontes vers le haut. Là, il faut que je m'envole. Tu t'envoles, mais là, oh, tu te rends compte en dehors de l'eau que t'es pas un papillon. Tu retombes. Là, après ça, là, t'es dans le, en dessous. Un papillon. Là, quand tu ressors de ton asile de repos, tu vas dans l'asile de repos, c'est un centre de repos. Ça fait 3 semaines que tu dors. T'es comme un phoque. On tire de la médication dans la bouche. Là, tu dis 25 millilitres, c'est un amuse-gueule. Oui, je me ferme la bouche. Fait que, non, ouvre-la. Fait qu'il prend un cliquette pour te l'ouvrir. Là. Il t'ouvre ça à 45. Là, il se rend compte que la prothèse est collée. Hein. Puis si tu peux pas la refermer, la bouche, tu pourras pas avaler. Fait que là, ils se sont dit, parce que hey, c'est des intelligents, ça, là. Ils ont des formations universitaires poussées, là. Il y en a qui ont fait un mémoire sur comment gober une médication, une pilule. Comment t'appelles ça dans le milieu, une pilule? Moi, j'appelle ça une granule, un moton. Oui, moi, j'ai l'infirmière, elle est venue me voir hier, là. Êtes-vous prêt à prendre votre mouton? Oui, mais il me semble que c'est pas très bon, là. Oui, c'est un petit mouton, un tout petit mouton. Puis mettons que vous le sentirez pas. Oh, c'est pas dans la fesse? Non, c'est sur la fesse. Oh non! Il y aurait tellement plus de plaisir. Arrêtez donc, vous là. OK, bon. Attention. Fait que là, c'est le mouton, OK? Il tire le mouton, puis le mouton que c'est dans la bouche. Puis là, avec l'arrosoir, la rose, parce que l'important, c'est l'arrosoir, il t'envoie un gel dans la bouche. Et là, tu n'as pas le choix d'essayer d'avaler pour boire l'eau, comme ça. Le mouton est capté par la gorge. Et tu ne peux pas t'étouffer avec le mouton. Quoique, s'ils n'arrêtent pas assez rapidement l'arrosoir, tu vas mourir noyé. Mais là, eux autres ont une formation, c'est-à-dire qu'ils savent reconnaître le bleu pâle, bleu foncé. Quand tu commences à devenir entre bleu arc-en-ciel, ils arrêtent. Parce que toi, dans ta tête, tu chies un poisson en bois. C'est comme ça. C'est ça, la vie. Hein? Pas facile. Moi, ça me fait peur. Moi, là, quand je me réveille le matin, je me dis « Oh là! Faut que je franchisse! » Et quand tu franchis, je ne sais pas ce qui va t'arriver. Même dans ton petit studio, quand tu es un créateur, devant ta feuille blanche, tu ne sais pas où tu peux aller. Tu peux aller loin, là! Tu peux inventer des personnages qui, un jour, pourraient te tuer. Agatha Christie. Oh oui, la belle regarde, regarde, elle est belle. C'est comme Virginia Woolf. Oh oui, ça, c'est deux personnages de l'œuvre romanesque, Mosière. Faut étudier de près. Très près. Très, très près. Là, quand tu l'as ici, c'est... Tu veux connaître davantage les gens qui vont devenir encore plus fruits. T'oublies de respirer, tu meurs. Non, mais Virginia Woolf. Agatha. Agatha. Agatha. Est-ce qu'ils sont les caracettes? Agatha. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Qu'est-ce que tu veux faire avec 4 cordes? Moi, déjà, là, une guitare 6 cordes, j'ai 4 cordes, il y en a déjà 4 de trop. Quoique, si tu le vires sur la bédaine, tu peux la frapper, sa bédaine. Avez-vous une guitare? J'en ai une, mais c'est dans mon placard. Si j'ouvre mon placard, le chien du haut va descendre en bas. Puis si le chien descend en bas, il va manger tous les fils. S'il mange les fils, je pense qu'il va manger. Il va manger de l'amour. Quand on mange de l'amour errant, ça risque d'être difficile. Le mouton est dur à poser. Hein? Papillon. Oh, pas de violence. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, qu'est-ce que c'est ça, cette émission-là? Hein? Cette émission-là? Qu'est-ce que c'est ça, cette émission-là? C'est une émission de variété, là. Tu te souviens même plus de ton nom? Mais c'est vrai, c'est divertissant. Ben oui. Ton nom, c'est? Mon nom, c'est divertissant. Hein? C'est très divertissant. Là, il y a un décorum, une convention faite par des chercheurs radiophoniques qui disent que 10 minutes de discours est suffisant. L'auditeur n'est pas capable d'en capter davantage. Son cerveau n'est pas assez prêt. Eh, oh, les conventions, le décorum. Qu'est-ce que tu as voulu dire? Non, parce qu'en disant décorum, je pensais à mon les végétaux sont mes amis en passant. Hein? Si les choux, les carottes, attaquez-moi pas les carottes à soir. Connais ça, moi, les avalanches de carottes. Les tomates, ben, je suis habitué, on m'en tire assez régulièrement. Est-ce que les œufs, c'est végétal? Mais non, c'est animal. Animal? Les œufs, c'est animal. Pépé. Premièrement, c'est KRL, c'est des gens plus intelligents que la moyenne qui peuvent en prendre. Vraiment, qui peuvent en prendre. Ils sont capables de lever 250 livres d'émotions en même temps. Puis d'être heureux avec le sourire. Là. Rouge un peu, là. Même rouge violacé. C'est assez, mais c'est 97 ans. Oui, vous écoutez, c'est KRL. C'est bon pour foie de cœur, mais là, du poids, mieux vaut pas en prendre trop en l'air. C'est quand ça redescend que ça fait mal, là, monsieur. Ah, reposez-vous, là. Oh, mais j'ai enlevé votre perruque, ça veut la chaleur en dessous de ça. Ah, mon dos, ne laisse pas. Monsieur le Président, monsieur les patrons catholiques, mesdames les voluptés et vous, chers résidents. Ouais, ça fait longtemps qu'on a de l'écho. Je pensais que j'avais... Ah non, pas de problème. Avec toi, il n'y a jamais de problème. Oui. Ah oui. Oh! Monsieur? Oui. OK. Écoutez-vous notre émission depuis le début? Allô, monsieur? Oui. OK, pendant que je parlais, qu'est-ce que vous étiez en train de faire, là? Peut-être. Monsieur, c'est louche. C'est pas la même musique qu'on entend ici, là. Qui m'a passé ça? Qui m'a plu? C'est quoi la ligne 17? Monsieur? Ah, mon Dieu, je m'ai pas coiffé. Hey, ça, c'est pas la 17, tu me repasses la 43, moi, monsieur le président. Mesdames les catholiques. Madame, les pas trop catholiques. Excusez-moi. Et. Oui, monsieur. On arrête ça, là. Non, non, mais coupe. Coupe dans la gouvernement, coupe. Monsieur le Président, monsieur les patrons catholiques et cathodiques, madame les voluptés, vous, chers résidents, résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité. Non, on s'imagine que cette émission-là, c'est pour les 18 ans et plus. Pas vrai, hey, on est en 2013. Tout le monde, les gens en bas de 13 ans, en haut de 13 ans, ont tout vu, tout lu, tout bu, tout du. Ça va? Ah oui, mais là, le train est passé. Faut pas s'arrêter là-dessus. Il faut reconstruire, revoir tous les schèmes, toutes les structures intellectuelles que l'on s'imaginait dans les années 70 comme étant... les bonnes. C'est plus vrai maintenant. C'est plus vrai. Plus rien n'est vrai. Merci. Bienvenue. Alors, c'était une montée de verre d'eau, moi. Verre d'eau, trois glaces. Trois glaces, pas de verre. Pas de verre. Ouais, mais c'est, oui, c'était le verre, mais très, très, très, très seul. On ne peut pas le dire. Mais, solitaire, madame. Oui, vous êtes solidaire. Du verre solitaire. Hein. Bienvenue à la douce. Elle me dit oui. Mais. Vous n'êtes pas obligé de répondre, madame. Je vous pose des questions, là, mais vous êtes très brillante. Ben oui, on vous aime, on vous embrasse. Bien, surtout moi. Moi, j'en bas, écoute, avant-hier, il y avait de la pluie devant la bouche d'égout. Parce que j'étais en dessous, puis elle me protégeait. Je l'ai frenché pendant 3h30. Oh, la police est venue, elle m'a arraché. Je lui ai dit, amenez-la avec moi. Hey, c'est une bouche d'égout. Ben oui, ça a été ma meilleure copine. Ben oui, va t'en prier. Viens, on va t'amener derrière les barreaux. Les barreaux? On peut-tu les frencher? Tu peux les frencher, tu peux les embrasser. Avec la langue? Ouais, mais là, parce qu'on a mis ça dans le frigo. En fait, c'est un congélateur. Puis si tu te colles la langue, ça reste. Normalement, ça reste là. Oh mon Dieu! Ça va être. En fait, c'est pour avoir mon ADN. Savoir si j'ai commis des crimes, si j'ai tué des personnes, si je suis un malfaisant. Non. On vous demande pas de lécher. Mais si vous léchez, vous risquez. Ah, ben ça, c'est bon, ça. Dans la vie, il faut savoir ça, madame. Madame, monsieur, si vous léchez, vous risquez. C'est important de savoir ça dans la vie, là. Mieux vaut commencer à 14, 15, 16, 17 ans, savoir que si vous léchez, vous risquez. Comme ça, dans la tête, hein, le petit gueule, c'est-tu. Ah non, ben là, je sais pas, là, je dois envoyer une lettre. Ah, c'est vrai, ça se colle plus. C'est autocollant. Ah. Monsieur le Président. Non, c'est quoi ça? Bienvenue à la douce... C'est quoi ça? C'est une feuille. Ah, mon Dieu, il y a de l'écriture. Ah, mais... Bienvenue à la douce réalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Reynald Le Néant Gagné. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Reynald Le Néant Gagné. Je suis heureux d'être le 11 octobre. J'en avais ras le bol d'être le 10, je me sentais mal. Là, on dirait que j'ai le poumon perforé. J'ai le feu calvaudé. Non, j'ai le cheveu calvaudé. J'ai la galvaude qui se prépare à un éternuement épouvantable. Les allergies sont au rendez-vous. Allô? Allô? C'est l'allergie au pollen? Pauline, je reste poli. Non, j'attends. Écoutez, ici, on est habitué d'attendre. Ça fait quoi, ça, madame, depuis l'assistance annuelle? C'est quoi la carte soleil? On est habitué d'attendre, madame. Oui, allô, madame, vous êtes l'allergiste? Est-ce que c'est le pollen qui parle? Hey, pollen. Excuse-moi, pollen. C'est pas pollen Marois? Pollen Marois! Écoutez-moi, madame pollen. Là, vous êtes une fleur, vous. Pissenlit, mimosa, tulipe. Ah non, vous êtes la rose. La rose d'or. La rose d'or. La rose d'or. Que je veux mettre à votre oreille. Cette rose d'or. Ouais, monsieur. Ça, c'est pas les platters. C'est les plates. Aujourd'hui, le vendredi 11 octobre 2013, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Mon micro descend, Rénal descend, tout le monde descend. Non, c'est pas vrai! L'autobus est barré! OK, à double amour. On continue et on tourne à gauche et là, c'est tout droit. OK? On y va tout droit. C'est la route soi-disant États-Unis 66. Alors, et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste Alex Jaffré. Alex Jaffré est un compositeur et scénariste français. En 1998, il a présenté à l'émission Private Jack sur MC2, présente également à tape là. Alex. Je me suis trompé, mais on va recommencer. OK. Action. Et prix pour. Allô? Prix 3. Action. Alex Jaffré est un compositeur et scénariste français. En 1998, il a présenté l'émission Private Jack sur MC2. Présente également une chronique musique dans l'émission de William Lémergie, Télématin, sur France 2, les mercredis et vendredis. En juillet 2013, il fait aussi de la pub, il fait de la musique de film, il fait plein de trucs assez exceptionnels qu'il nous a raconté la semaine dernière et qui continue actuellement, là, dans quelques secondes, si je me la boucle. Mets ta ceinture. Et boucle-là. Ça, c'est Jacques Dutronc qui dit ça. Regarde pas ta vie dans le rétroviseur. Ne regarde pas ta vie comme le cambrioleur. Assis-toi pas sur un cactus. I-A-O-I-I. Ne sois pas opportuniste. Tout est mini. En juillet 2013, Errance Renadienne se trouvait là à Paris pour rencontrer cet artiste des plus sympathiques. Oh, passons à la musique. Tout tombe. Je ne l'ai jamais rencontré. Whoa. c'était une époque. Wow. Bah, je vais pas reprendre la même que j'ai déjà vue parce que je vois à peu près comment c'est. Non si j'étais une époque, si je sais précisément, je crois que je retournerais. Il faudrait que j'ai l'âge, un âge adulte dans les années fin 70 pour aller voir le concert, le Cologne concert de Keith Jarrett à Cologne. Ah oui. Et voilà, j'aimerais être à cette époque. Ou voir Glenn Gould en concert, c'est-à-dire remonter dans les années 60. 60 50-60. Ouais, il a. Début 60, il a arrêté les concerts, je crois. Ouais, c'est ça. Alors 50. J'aimerais bien, j'aimerais. Enfin, l'idée c'est d'aller voir des gens que j'ai pas vus sur scène. Hein, okay. En gros. Si tu étais un mot. Un mot Ok. Bon. Ouais, comme ça, okay. Là. Ça c'est plutôt un PFF. Plus 30 points de suspension. Le nombatopée. Peut-être biquette. Biquette. Ok. Ouais. Ok, ton petit côté, dirais Louis de Funès. Alors viens t'as ma petite biquette. Oui, c'est ça. Mais non, parce que j'appelle mes enfants comme ça, ils détestent. Ah ben oui, ben, voilà, je comprends. C'est pas une chèvre aussi, une biquette? Si, c'est une chèvre, okay. Mais voilà. Ok. La chef de Monsieur Seguin. Oui, exactement, la biquette. Voilà. Si tu étais un aliment. Un aliment? Mais surtout à 14 ans, biquette. Là. Biquette? Ouais, non, à 14 ans, j'arrête. Sinon, c'est, okay, c'est des coups de canif. Hein, oui, oui, oui, c'est dur. À 6 ans, il n'y a pas de défense. Non, pas encore. Un aliment? Oh, une tomate. Ah, oh, c'est bien. Parce que pour en tirer aussi à l'artiste qui te plaît pas. Oui, oui, d'abord, c'est que tu peux manger, oui. Et deux, tu peux te défendre, oui. Et tu peux exprimer ton désarroi en concert, c'est vrai. Et surtout, j'adore parce que c'est quand même un légume qui est un fruit en vérité. J'adore l'ambiguïté. Exactement. Ah, t'aimes bien l'ambiguïté. La tomate, tu sais pas où la ranger, quoi, tu vas. Alors, la pigasse, c'est plein d'ambiguïté. Tu sais pas si c'est un homme ou une femme. Exactement, c'est le pays de la tomate humaine. La tomate à deux pattes. Si tu étais une saison. Je serais pas le printemps parce que je trouve ça toujours compliqué pour la monogamie. Le printemps, c'est une sale saison. Ah, tout le monde, hein, la sève et ton max. Ouais. Et puis d'un seul coup, tu dis toutes les femmes qui étaient assez vilaines deviennent extrêmement belles en l'espace de 15 jours. Tu dis comment c'est possible. Je serais pas cette saison-là. Non, le septembre, c'est quand? C'est l'automne, c'est ça, septembre? Septembre, oui. Ouais, c'est bien l'automne, c'est bon. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Ouais, c'est pas mal. Si tu étais un membre corporel. Une oreille. Attentive. Ouais, une oreille pointue. Star Trek. Ah oui, ben oui, ben oui, Spock. Spock. Mais as-tu fait un peu de radio aussi un peu sur RTL, ouais, j'ai fait des petits des portraits de musiciens, d'artistes. Okay. Ouais. C'était voilà. Mais c'est... À quelle année? Là, l'année dernière et un peu cette année, mais c'était très voilà. C'était très agréable à faire. Tu as beaucoup de chance de faire de la radio parce que je trouve que c'est. Je crois que c'est un espace beaucoup plus libre que la télé. Ben oui, il n'y a pas d'image. Voilà. On crée l'image à travers les mots, à travers les sons, à travers... Et je crois que justement, tu deviens plus libre quand tu n'as pas l'image. Si tu étais un moment de la journée. J'aime bien le moment, ça dépend de l'heure, mais tu sais où tu sais pas s'il fait nuit ou jour, tu pourrais pas dire. Tu sais, entre chien et loup, ça s'appelle comme ça aussi. Oui, exactement. Et j'aime bien ce moment-là où il y a... De encore avoir 10 minutes, hein. Oui, ah mais toujours. Ah oui, ok. Je sens que les... oui, là, il y a les gens, ça s'éclaircit aussi, là. Le mec. Si tu étais un autre individu. Un autre individu? Bah, je pense que j'aimerais bien être une femme, parce que ça doit être très très étrange, déjà, de... J'adorerais voir le regard maladroit des hommes sur moi. Ok. Est-ce que tu serais la femme aguichante ou Ah bah quitte à être une femme, autant être une bombe atomique. Hein, okay. Oh, okay. Marilyn Monroe. Oh, non, plus brune, je crois. Plus, okay. Plus Céline Dion. On va la lâcher, la pauvre. Ah oui, non, bah oui. Non, peut-être elle est riche, la pauvre. Oui. Plus je crois. Plus Jennifer Connelly. Tu vois cette actrice de Requiem for a Dream et Little Children. Donc, à choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? C'est toujours. Je pense que oui. Je pense que oui. À part un ou deux choix. Et encore non. Je pense parce que même les choix qui ont coûté fort cher, humainement, j'entends. Hein, est-ce que c'est du côté professionnel ou Les deux. Avant de s'appeler Bianca, mais les confitures de canneberge et les compotes d'Atoka sont synonymes dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire, elle s'appelait Serge. Tu l'as dit, on l'a dit, et de midi à midi, elle s'appelait Serge. Mets ta ceinture et boucle-la. Ne regarde pas la vie dans ton rétroviseur. Tu viens de passer sur ton passé. Change de régime et de quartier. Desserre ton frein. Ronge pas le mien. Ne mets plus de pièces dans ton parc-mètre. Change de vitesse, change de musique et change de disque. Ne regarde pas la vie dans ton rétroviseur. Tu viens de rouler sur la bande jaune et d'écraser tes vieux fantômes. Ne regarde pas la vie dans ton rétroviseur. Change de zone et de répertoire. Tes souvenirs font le trottoir. Tu viens de passer sur ton passé. Prends le volant, mets tes lumières débraye doucement, fais marche avant, pas marche arrière. Ne regarde pas la vie dans ton rétroviseur. Ne te gare plus sur les bateaux de ta mémoire qui fait de l'eau. Ne regarde plus la vie dans ton rétroviseur. Lâche un peu l'accélérateur, mets ta ceinture et boucle-la. Mets ta ceinture et boucle-la. Mets ta ceinture et boucle-la. Allô, Madame Tremblay? Bravo pour votre programme. Vous êtes vraiment. Merci. C'est vrai? C'est tout à fait vraiment. OK. Vous êtes bien gentil. Merci. C'est ça, hein? Oui, mais j'espère que c'est ça. Mais c'est... Bravo! L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagé, dit-il en tirant la table. Les gens l'ont pas vu! Ils l'ont entendu même pas! OK. Merci aux techniciens, Jean-Claude Mémus, Tico de Pépus et le grand Famus. C'est fameux. Fameux le Famus. Monsieur Famus. Merci, monsieur. Ben oui, monsieur. Hey, voici le pitre qui change le chapitre diégétique, votre itinéraire à engager, Rénal Gagné. Qu'est-ce qui se passe avec ça, là? Tu l'as déjà dit, c'est à l'envers! C'est pas vrai. Depuis quand l'émission est à l'envers? Depuis maintenant. Alors, comme le mentionnait Jim Morrison, Errance rénaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Attention! Facebook veut manipuler vos informations. Oui. Facebook, là? Oui. Attendez. Vas-y, dis oui. OK. Attention. Oui. Oui. Facebook, là? Oui. Tu sais ce que c'est que Facebook, toi? Oui. Tu sais, les amis Facebook, là? Oui. Tu dis « Oui, je suis un ami Facebook, là. » Oui. Tu peux pas dire « Non, j'aime pas ça. » Faut toujours aimer ça. Oui. T'aimes-tu ça, toi, Facebook? Oui. T'as pas le choix d'aimer ça, toi, hein? Oui. On te l'a obligé, hein? Oui. Ça, c'est du calcul mental. Oui. Tu connais ça, toi, le calcul mental? Oui. 1 + 1. Oui. Allô? Monsieur? Oui. 1 + 1. Oui. Voyons, la main. Il est dans. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur dit 1 + 1, oui. C'est quoi, c'est de l'algèbre? Monsieur, c'est de l'algèbre, ça? Oui. OK. Je vais jamais. Je tiens à vous dire, là, moi, que je suis en création littéraire. Oui. Oui. J'ai enlevé la parole avant, excusez-moi. Oui. Je suis en création. C'est écrit. Christy. En création littéraire. Oui. Laissez-moi finir, monsieur. Allô? Facebook veut manipuler. Non, là, j'étais fâché, mais je me défâche rapidement, là. Oui. Oh, j'irai pas vous tabac, vous féliciter. Oui. Non, oui. Oui? Oui. OK. Facebook là, veut manipuler vos informations. La cassette est brisée. Mais j'ai de ma vitesse noble des mots. Est-ce que vous savez ce que c'est? Okay, c'est revenu. Allô? Oui. Bon, OK. Est-ce que c'est... Hey, ça fonctionne plus, monsieur. Oui, ça fonctionne. Oui, comment ça? ça glisse en dessous. Oui. On se calme. On regarde le ciel. Hey, c'est beau, hein? Il y a des nuages. Il y a la lune. Oui, il y a ma langue qui essaie de toucher. Ben oui. OK. On s'est reposé, là. Ça va bien? Oui. OK. Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres. Oui. Vous connaissez ça, vous, des extraterrestres? Oui. En avez-vous déjà vu? Oui. Des gros qui puent? Oui. Ah, c'est pas des extraterrestres? C'est du vrai monde. Oui. Ouais, non, il y a eu censure, hein? On a le couteau de la censure, madame, oui. Non, c'est les ciseaux. Elle c'est pas au couteau, c'est au ciseau. C'est une ancienne tricoteuse. Hein? Fait que, on lui a demandé, c'était une offre d'emploi. Demande une femme ou un homme, là, mais pour couper. Donc, les femmes savent très bien couper les tissus. Ouais, non, ils vont dire, tu rentres les... Non. Tu rentres les femmes dans un catalogue, dans un livrette, dans une revue. Une livrette. Ah, arrêtez-moi. Mais non, c'est pas ça, là. Non, mais on sait que les femmes sont habituées de couper, là, dans de, oh, t'as trop dépensé, Robert, là. Il faut acheter du lait pour le petit. Oh, on va couper sur ton économie. Non, c'est elles qui tiennent le budget, là. Puis pas de femmes, là. Pas de compréhension budgétaire, économique. C'est elle qui gouverne tout ça, moi, là. Je donne ma paye, puis arrange-toi avec ça. Puis, y en a vraiment assez. Fais des heures supplémentaires. Là, à un moment donné, c'est bien beau faire des heures supplémentaires, là. Je rentre un soir à l'improviste parce que c'était pas prévu. Ben, j'espère que c'était improviste, pas prévu. Non, mais dans mon cas, c'était pas prévu. Ben non, c'était à l'improviste. OK. Bon, je suis pas, là. Je raconte l'histoire. Les gens savent que là, tu l'as surpris avec un autre homme. Hein? C'est ça. Vous l'avez lu dans les journaux? Ben non, c'est vieux comme le monde. Là, t'as trompé. C'est ça. Puis là, elle s'est acheté un poisson rouge. Ben. C'est ça. Puis là, elle veut te tenir avec ça, puis elle veut que tu le dompes. Hein? Ben, elle veut que je fasse un poisson de cirque avec ça. Avec qui? Avec Galilula. Galilula. Ça, c'est le nom du poisson. Galilula. Ben, Galilula, c'est pas de ma faute, c'est elle qui l'a nommé Galilula. Parce qu'elle m'a dit, quand tu vas être plus tard dans la nuit, c'est plus facile pour toi de dire, allô, Galilula. Puis là, je trouve que quand je le dis, c'est pas très rattachant, là, Galilula. C'est comme, Alléluia. Alléluia! Les gens vont appeler à arenalquebec@commercial.com. Qui appelle? Il n'y a pas de numéro. Oui. Ben, il y a un numéro électronique. Non, c'est un courriel. Un courriel. Les gens vont courrieler. Courzi, yélé. Vas-y. T'es wélé? Je suis wélé dans le yélé, moi. Allez-y. arenalquebec@commercial.com. Appelle-moi Renal. RAYNALD. QUEBEC à commercial hotmail hotmail.com com. Là, dites-moi ce que vous pensez. Moi, là, je vois que Saturne est sous Capricorne. Okay. Attention, monsieur, êtes-vous encore là, vous? Oui. C'est merveilleux. OK, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher. S'ils viennent vous chercher, allez-vous être prêts? Tout propre? Oui. Rasé de près? Oui. Avec le shampoing numéro 1 en ville? Oui. Un état très, très puéril? Oui. Viril. Vous cherchez, ils viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Serez-vous soumis? Oui. Hey, c'est un Québécois. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraites de son recueil « Contes et nouvelles ». Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Et là, attendez, j'ai le livre, mais où est Popeye? Popeye, le vrai marin, non, pas le livre, j'ai le livre. Pas Olive, le livre. Le livre, c'est pas le livre d'Olive, là, quoique, peut-être c'est son livre de chevet. C'est ça, mon Olive. Oh, Je prends ça au hasard. Normalement, c'est déjà préinscrit. Là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de. Rien ne tient. Ça tombe bien, c'est le but de l'émission. Hein? Tout monte, tout descend, rien ne tient. Il a secoué sa gueule de bois et il est sorti du lit. C'était eux, la femme et l'enfant. Il a ouvert la porte. La gosse est entrée en courant. La mère suivait. Il manquait juste le caniche. Ah merde, j'ai oublié le titre. En tout cas, j'ai oublié le caniche. On ne pourra jamais savoir le titre. J'ai oublié le caniche. Ben oui, t'as oublié le caniche. On n'aura pas le titre. Hey, le caniche. C'est talent d'un caniche. Garde-moi ta coupe de caniche. Ben oui, oui. Moi, je suis prêt à recevoir des prix. Ben oui. Ils t'ont quoi? Ils t'ont permanencé. Oui, c'est plus permanencé. C'est quoi ça? Permanencé. Permanenté, oui. Permanenté. Tu sens la peppermint. Ben voyons donc. Après un grand coup de peppermint, je me suis rapproché d'Afterman, l'homme qui en savait rien. Rien à l'amour que j'avais pour la Jane Robin. Oh mon Dieu, pas elle. La Robin. Elle sentait la Robin. Jane Robin. Oh! Et puis, il y a l'autre. Des carottes dans les cheveux. Hein? C'est qui ça, monsieur? Êtes-vous là, monsieur? Oui. Vous la connaissez, Jane Robin? Oui. C'est pas la femme de Serge Robin? Oui. Serge Robin n'est pas mort? Oui. Il est mort de la Robin? Oui. OK. C'est pas lui qui a été investigateur de la provocation? Oui. Mais là, quand on parle de Serge Robin, là, oui, on parle de la musique qui a enfoncé un clou dans le sarcophage de l'ignorance sociétale. Oui. Fais-tu à nommer ce que tu viens de dire? Hey, toi, mon étudiant universitaire, là, si t'as pas compris, réécoute. Oui. T'as raison, j'ai raison, vous avez raison, nous avons raison. Oui. Au passé simple, c'est difficile, hein? Oui, on s'est épargné quand même la conjugaison au passé simple. Quoique, prenons un verbe rapidement. Oh oui, non, prenons un son. C'est une fille qui a du chien, me fait manger dans sa main. C'est une fille un peu cruelle. C'est une fille intéressante, elle a du fric et de la chance. C'est une fête perpétuelle. Le genre de fille, elle chante le genre de fille. Elle nous semble le genre de fille, elle qui semble le genre de fille. Elle chante le genre de fille, aberrante le genre de fille. Énervante le genre de fille, arrogante le genre de fille. Je me barre de ta vie, je tourne en rond près de toi. Oui, j'en ai marre, je me barre de ta vie et je te glisse entre les doigts. Je fous le camp et je m'en fiche, je me fous que tu sois ma vie. Je fous le camp, tu survivras. Je fous le camp, je t'écartille. Je fous le camp très loin d'ici. Je fous le camp très loin de toi. C'est une fille qui bouge bien, c'est une fille à baldaquin, le ciel au lit, le lit. Elle a du chic et l'indécence, c'est une bombe sexuelle. Le genre de fille, elle chante le genre de fille. Elle nous semble le genre de fille, elle nous semble le genre de fille. Elle nous chante le genre de fille, elle nous rend le genre de fille. Elle nous rend le genre de fille, elle regarde le genre de fille. Épuisante. J'en ai marre, je me barre de ta vie. Je tourne en rond près de toi. Oui, j'en ai marre, je me barre de ta vie. Je te glisse entre les doigts. Je fous le temps et je m'en fiche, je me fous. Je fous le camp, tu survivras. Je fous le camp, je dégorpille. Je fous le camp très loin d'ici. Je fous le camp très loin de toi. À bout de force et de désir, je m'effondre et puis j'agonise dans un trou quelque part. Chez les nomades, malgré les condoms, les vaccins, les arrestations et l'absinthe, je suis quand même tombé malade. Et je patauge dans la merde avec des vertiges et la fièvre dans un clapier subtropical. Je lave des potions imbuvables. voyant sauter un chaman et j'ai des hallucinations sentimentales. Je vois cette fille, elle chante, je vois cette fille, elle me chante, je vois cette fille, elle chante, je vois cette fille, elle chante, je vois cette fille, aberrante, je vois cette fille, énervante, je vois cette fille, arrogante, je vois cette fille, épuisante. J'ai un peu tendance à mettre le professionnel au même niveau que la vie affective. Donc donc parfois des choix professionnels qui sont de mauvais choix me coûtent cher affectivement et émotionnellement. Enfin, tu te dis merde. Non mais je pense que je refais tout parce que honnêtement, je sais pas si tu penses ça aussi, mais quand tu fais une grosse connerie et que à la fin tu te dis ah c'était une vraie grosse connerie, bah au moins le coup d'après tu la refais pas. Mais alors surtout que ça te fait grandir. Ouais. Et je pense que tant que t'as pas fait ta grosse connerie, tu tournes autour. Ok. Et t'avances pas. Quand tu tournes autour, tu vas pas droit, tu tournes en rond, et quand tu tournes en rond, tu restes là où t'es. Et je pense qu'il vaut mieux faire la grosse connerie, tomber dans le trou, escalader, ressortir, et puis tu dis ok, il y avait un trou, je sais, et puis après tu continues, tu vas au trou d'après. J'ai deux questions, peut-être avant de terminer. Est-ce que à Télématin, la folie qu'on y retrouve est préparée, ou si c'est vraiment un enthousiasme? Non, c'est la grande force de William, l'énergie. Parce qu'au Québec, il est arrivé quelque chose à cette émission-là, et beaucoup d'humoristes ont repris lorsqu'il s'est attaqué à... Oui, ouais. Ouais. Bah, alors, je pense que c'est déjà très exagéré, parce qu'il y a eu une altercation, et puis d'un seul coup, ça a été monté en épingle. Okay. J'en parle en connaissance de cause, et étant là, vois, au monde. Donc, c'est... Non, mais ce que je trouve exceptionnel... Franchement, et sans langue de bois, c'est le nez et la qualité de choix de William qui a su au fil des années choisir les bonnes personnes et faire des mélanges. On est parfois c'est les mêmes, mais souvent ça change un peu, c'est machin. Et sa capacité à aller te mettre un peu au bout du plongeoir, tu sais, en disant vas-y, puis d'appuyer dessus, puis voir ce que tu vas faire. Vas-y, amuse-moi. Parce que on le voit pas souvent, mais c'est enfin moi je le vois, je sais pas, je le vois pour ma chronique, c'est-à-dire que quand j'arrive, il est là, il a envie de rigoler, quoi. Il a envie à la fois de découvrir des trucs, d'écouter de la musique, mais si finalement, souvent j'ai plus d'extraits et on va pas jusqu'au bout parce qu'on a tellement rigolé sur le premier extrait, on n'écoute pas le dernier. Okay. Mais parce que genre ah non, c'est pas vrai, vous avez vu machin comme il est habillé. On peut s'étaler, mais c'est pas grave si on se rend pas jusqu'à la fin. Ouais. Ça ira à la semaine prochaine, ou ça ira à la prochaine rencontre. Ouais, et puis moi je suis sidéré de la culture. Franchement, ça fait très c'est très honnête ce que je dis. C'est-à-dire William est vraiment, enfin moi je l'admire parce que je pense que personne ne se rend compte de la complexité de son boulot. C'est un passeur, donc il doit aller de chroniqueur en chroniqueur. Ouais, et maîtriser des sujets aussi différents que le design, la musique, l'histoire, bim, la petite blague, le théâtre, les peintures, des expos. Il faut trouver. C'est un métier. Hein. Et je pense que personne. Je crois dans l'univers français, personne pourrait réellement prendre sa place là maintenant et faire 2h30 direct avec autant de souplesse. Alors c'est sûr qu'à un moment donné, ça tend, de temps en temps, il est moins. C'est normal, c'est physique. Hein. C'est physique, c'est une course de fond tous les jours. On a la chance de faire un peu des spéciales. On a été à Marseille faire une émission, donc on part un peu en. C'est la colonie, on part en train et tout. C'est un rêve d'être, de se retrouver avec William sur le port à discuter en buvant des coups. C'est un bon vivant. Oui, c'est un bon vivant, c'est un être bon. Et avec des failles comme on a tous, c'est quelqu'un dans son métier, franchement, je le pense sincèrement, j'ai vu plein de présentateurs, de producteurs, je pense qu'il a un instinct et une maîtrise du direct. Et de la présence aussi. Ouais, il est hyper fort. Il est pile au bon endroit. On peut rarement le prendre en flagrant délit de ah là il était à côté ou okay. C'est pas bien. Hop, il se retourne, même s'il est. Il est dans le rebond. Alors ça, c'est l'expérience, c'est vraiment un savoir-faire. Ouais. Et la dernière question, est-ce que tu utilises quelquefois ta vision à la télévision pour passer en avant, en concert ou peut-être on te reconnaît, est-ce qu'on dit « Ah ben écoute, viens ici. » Ah non, c'est drôle que tu dis ça parce que je voudrais être peut-être le seul journaliste qui achète ses disques et qui paye ses places de concert. Et que c'est très très rare. C'est vraiment en dernier recours quand par exemple, je vais encore parler de mes enfants, mais ce sont. Voilà. Ah, non, je suis désolé, j'ai pas du tout de. Voilà. Et tu payes tes. Ouais, j'essaye d'acheter mes. Je comprends pas tout. Mais... Pardon ? Je comprends pas tout. Mais... Je paye pas. Je comprenais pas quoi ? Ouais, je disais, c'est vraiment ça. J'ai pas entendu, pardon. Je disais, ça n'a rien à voir avec toi. T'inquiète pas. D'accord. Ah, y'a pas de problème. Ok. Bah, moi, je suis pas. C'est le meilleur. La philosophie, etc. Il n'y a pas de carence. Bonne journée. Et là, c'est ça, tu payes tes CD et... Oui, et mes places, c'est vraiment quand il y a une demande familiale pressante pour aller voir un concert sur lequel il n'y a plus de place, ou alors là, je fais jouer. J'utilise mon joker, mais sinon, assez rarement. Non, parce que je crois qu'avant tout, j'adore la musique et en faisant de la musique moi-même, je me dis voilà, il faut bien vivre, nourrir tout ça. Alors voilà, donc je trouve ça normal. J'ouvre le frigo et puis je tombe dans le vide entre un vieux spaghetti au pesto et un oignon qui agonise. Je bats des ailes et je m'ennuie. Je ne vends pas de disque, m'imagine une autre vie pleine de succès et de fric. On me voit partout, je fais tous les plateaux de télévision. Je fais le beau devant les radios et je chante pour les cons. Tout ça me mène jusqu'à la disque et le vote du public. Je monte sur la scène hystérique et j'embrasse mon Félix. Je remercie père et mère et tous les Québécois en ajoutant que je suis fier parce que je fais mon rock à moi. Mais j'entends des voix qui me disent. Des voix qui me disent indie, trendy, hipster, preppy. Je me fais musique et baise. J'ai les cheveux et le style pour grimper sur les palmarès. Et aux jambes des filles, mon côté rebelle et artiste séduit les matantes, les mamans qui se disent que je serais un bon fils, un bon gendre ou un bon amant. En tournée, j'exige dans ma loge des craquelins et des fromages fins, un Bordeaux et quelques Bourgognes, un PlayStation et des coussins. Avec le band, on parle des bitches. On se fait des tracks à l'hôtel, je cause allègrement de Nietzsche, ça dépuis de Machiavel. C'est tripatif, je suis très rock, mais j'ai de la cervelle. Je me déplace en van, puis je dis fuck au système en touchant ma paye. Mais j'entends des voix qui me disent, des voix qui me disent. Et pas de panique, je vais payer tout ça bientôt et je donnerai du type. Il faut que je me démène pour ne pas devenir un has-been pis vendre mon condo sur la main. Je fais des peurs de cellulaire, de bagnole ou de bière. Entre deux tours, mes promotions pis toutes mes collaborations. Je me positionne contre la guerre, contre la famine et la misère, et contre le pire des fléaux, le téléchargement illégaux. Sinon je fais une sortie publique, un petit scandale. les handicapés majeurs, les polios, j'ai déjà donné. Les cul-de-jatte, les petites sœurs des pauvres, j'ai déjà donné. Les parasites, les tapeurs, j'ai déjà donné. Les manouches, les marchands de bonheur, j'ai déjà donné. La dame pipi, les voltigeurs, j'ai déjà donné. Le vestiaire de ma petite sœur, j'ai déjà donné. Le cancer et les tumeurs, la recherche de l'Institut Pasteur. La sécu, les inspecteurs, les impôts, les racketeurs, j'ai déjà donné. Tagada, tagada, tagada, tagada, j'ai déjà donné. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta j'ai déjà donné. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta j'ai déjà donné. Ta ta ta ta j'ai déjà donné. La dame pipi et ses voltigeurs, le vestiaire de ma petite sœur, j'ai déjà donné. Ma lampe au chat, une petite boum à ton honneur, j'ai déjà donné. Du fil à retordre et bien du malheur, ma pauvre maman, j'ai déjà donné. Dans la connerie et la candeur, j'ai déjà donné. Yeah. so vain through the bumps of time in your frame. Oh, Moi, jusqu'à ce que le Virgin Megastore sur les Champs, qui était ma maison, ferme, j'y allais pas tous les jours, mais j'y allais au moins 2-3 fois par semaine. Même si on peut acheter sur iTunes et tout ça, j'allais voir des disques, voir des vendeurs, voir. J'aime ça. Et j'aime. En plus, parce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de disques, mais le fait de pas choisir. Quand tu reçois, tu choisis pas. Mm-hmm. Donc c'est. Mais tu reçois aussi des disques. Je veux dire, on te remet des disques. Ah oui, tonnes de disques, mais c'est vrai qu'après sur certains disques ou des bandes originales ou des trucs un peu pointus, je vais les acheter. Les concerts aussi. Non, le seul truc, c'est parfois au restaurant, où là c'est vrai que d'un seul coup on te reconnaît et tu te dis le restaurant est plein, mais je vais quand même avoir une table. Ouais. C'est plus simple. Et ça fonctionne. Pas toujours, mais okay. Parfois oui. Mais voilà, je crois que c'est le seul. Et encore. Et encore, non, je... Alors, tu essayes de rester discret. Oui. Non, parce que je pense que la notoriété, c'est une drogue. C'est une drogue puissante, dangereuse. Parce que même une toute petite notoriété de chroniqueur, tu peux d'un seul coup avoir la tête qui ronfle comme une pastèque. Mais toi, comme tu es professionnel, tu fais un autre travail en dehors de ça. Donc, ça te ramène facilement parce que tu fais pas juste de la télévision. Oui, c'est ça. C'est pour ça que... Ouais. Tu peux voir ce qui se passe ailleurs, tandis qu'un chroniqueur qui, lui, est vraiment juste dans son travail de chroniqueur, il ne peut pas voir ce qui se passe autour. Toi, ouais. t'as d'autres visions à droite et à gauche. Tous les gens que je connais qui ne font que de la télé deviennent fous à un moment donné. L'ego aussi. Hein? Ils sont auto-centrés, ils tournent autour d'eux. Je vois bien. Mais parce que tu sais quoi, c'est très étrange. Je connais des animateurs télé ou des comédiens très, très connus. Et au bout d'un moment, tu sais ce qui se passe, plus personne te parle normalement. Ah ouais, c'est ça. C'est ça qui est bizarre. C'est que les gens viennent te parler, ils parlent à une projection de toi, ils viennent pas te parler à toi. Donc ils parlent à l'ego presque. Là. Oui. Ils parlent à un autre. Et donc tu finis par nourrir, tu nourris la projection de toi, donc tu deviens schizophrène parce que tu deviens Sardou. Oui, c'est l'idiot, tu aurais pu rajouter. Oh oui, non, mais là je vais l'abandonner, la pauvre là, quand même. Elle finit en sous-vert à chaque fois chez moi. Mais oui. Écoute, Alex, merci de. J'ai l'impression d'avoir rien dit. Si. Oui. Oui, on a touché à la musique. Ça, c'était la répétition. Maintenant, on va faire... On va commencer. C'était de la rigolade. Voilà. C'est sérieux, là. On va travailler. Mais Alex, merci d'être passé. Ah, merci. Merci à toi. Tu ressembles exactement à ta photo. Moi, ouais, ben, j'essaie. En plus jeune. Ben, écoute, j'en ai 46. Oh, j'en ai 46. Ouais. Là, ah. À venir. Ah, oh, ben, bravo. Hey. En 67. 67. 2 juin, moi. Novembre. Ah. Ah oui, c'est tout frais, alors. Pardon? Oh, oui, c'est tout frais. Oui, 2 juin. Oui. Ah, mais c'est bien. Ben ouais. Ben, on le fait pas à nous deux. Non, exactement. On nous donne quoi, 27 ans, hein? Ah ben moi, j'allais dire, mais ça dépend. Pour une fille, je mets 30 ans. Ouais. Pour les gonds, on s'en balance. Ouais. c'est pas important. Ben, en tout cas, j'ai été heureux de te rencontrer. Ben, merci. Puis, si tu passes à Québec, t'as déjà mon numéro, ouais. Appelle-moi, puis je vais te faire visiter des endroits underground. Oh! Oui. Promesse. Oui, ben, écoute, Noir Désir a commencé à Québec. Hein. C'est vrai. Et ils ont rencontré, un moment d'histoire, ils ont rencontré Alain Bachung à Québec. Ah, génial. Et Volontaire, la reprise qu'ils ont fait. A commencé à Québec au festival d'été. Donc j'ai des photos et c'était un moment. Eux étaient rendus à leur deuxième album et c'était un groupe incroyable à l'époque et encore aujourd'hui malheureusement qui n'existe plus. Ouais. Mais tu m'as pas dit ce que tu écoutais comme musique. Tu écoutes. Est-ce qu'il y a des genres de musique que tu n'écoutes pas ou est-ce que tu écoutes? Il y a des genres que j'écoute pas. Mais écoute, moi je suis. Bachung, là, c'est quelque chose. Mais à travers ça, il y a plein de... Écoute, il y a le punk, j'adore la musique punk, j'adore... le classique, j'adore, mais j'ai pas vraiment la maîtrise. Le jazz, j'adore aussi. En fait, je touche à tout, mais j'aime pas... Je sais ce que j'aime pas, c'est les francophones. Qui pour suivre la tangente vont faire des albums en anglais. Ça me dérange beaucoup. J'en rencontre passablement aussi. Pourquoi pas utiliser la langue de Molière à des fins musicales? Puis puis ça, ça mérite un peu. Mais ça ne me dérange pas si dans un album, on peut écrire 3-4 chansons en anglais sur 10 ou sur 12. Mais un groupe francophone qui chante en anglais. Tu sais, il y a de plus en plus de groupes français comme Granville ou Aline, ou qui sont des petits groupes émergents qui chantent en français. Oui, oui, oui. Et je me dis, waouh, enfin là, depuis audacieux, c'est très audacieux. Un an et demi, il y a de plus en plus de groupes. Parce que, c'est vrai que tu as raison, sur tout ce qu'on soit, parfois je suis là, moi c'est des groupes anglais ou de quoi. Avec l'accent francophone. Oui, c'est ça, ce qui est difficile. Et ça, c'est tannant. Ouais. Tant qu'à faire de la musique, gardons notre pureté langagière, gardons le français, mais si tu n'as pas d'accent, ben vas-y, mais souvent, l'accent. Peut-être que ça plaît en dehors de la France, mais en France, c'est lourd un peu. I planted here, but it won't grow. We won't have to say goodbye if we all go. Maybe things will be better in Chicago. Leave all we've ever known for a place we've never seen. Maybe things will be better in Chicago. But it's brave for us to stay, even braver to go. Wherever she goes, I go. Everything will be better in Chicago. But we need the Lord will give us all we want. We carry with us. You know where I can be found. Where the rainbow is the ground. I'm not alone. I'm not afraid, 'cause it's burning gold from his cage. There's so much magic we know on this sapphire we call home. My coat and my hat, I'll say goodbye to all that. Everything will be better in Chicago. Everything will be better in Chicago. Dans mon corps de jeune fille. dans mon corps de jeune fille, il y a des changements. J'ai rangé tout le bordel et me prépare en tout cas. Tu partirais d'avec elle pour venir avec moi, pour venir avec moi. Je me suis mise toute belle et j'ai sauté tout bas. Qu'à la porte l'on m'appelle et que tu sois sur le pas, que tu sois sur le pas. Et que je nous les mets pleines d'un bouquet de lilas. Tu me dis que tu m'aimes ou quelque chose comme ça, quelque chose comme ça. Dans mon corps de jeune fille. Il y a des changements dans mon corps de jeune fille. Dans mon corps de jeune fille, il y a des changements dans mon corps de jeune fille. Dans mon corps de jeune fille, il y a des changements. Pas toujours l'accent français. Les Français qui écoutent des Français chanter en anglais pensent que c'est de l'anglais. Enfin, tu vois, puisqu'on imagine que ce sont plutôt des groupes qui s'adressent à des adolescents. Et les adolescents ont ce niveau d'anglais, donc pour eux, ça les gêne pas. Ah oui, mais quand même, il y a des adultes. Hein. Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est que depuis quelques années, on fait même on divise en deux. Il y a le progressif ou l'alternatif. Jeune public et adulte. Au Québec, ça, on est rendu à ça. Là. Ouais. The Cure, c'est pour adultes. Je ne sais pas, pour les plus jeunes, peut-être Manson, pour les ados. Oui, non, mais le découpage par tranche. Oui, mais c'est triste. Là. C'est triste, parce que la musique, c'est universel. Et je crois que la musique la plus bête, c'est la musique pour les enfants, parce que c'est plus comptable. Il faut laisser aux enfants la chance d'écouter n'importe quel style. Et lorsqu'on fait des disques destinés aux enfants avec quand même une visibilité générale, ben moi j'ai rien contre. Là. Mais arrêtez de dire le petit cochon fait coing coing coing. À un moment donné. Moi, j'ai vu quand Philippe Catherine a sorti son album avec la banane, justement. J'adore. Et moi, j'ai vu, chez moi, un grand succès, quoi. C'est parce que c'est à la fois, c'est un mélange de Boris Vian, de trucs, c'est Salvador, de Bobby Lapointe. Aussi. Oui, c'est drôle. Moi, ce que je trouve toujours fascinant chez les enfants, c'est leur capacité, même quand ils ne comprennent pas, à voir que, tu vois, même qu'ils écoutent Bobby Lapointe, tu vois, ils se disent... Ah, à créer des images. Je comprends pas tout, mais je sens bien qu'il y a de la déconnade dedans. C'est-à-dire qu'il y a un instinct artistique d'enfant, tu vois. Bourville aussi qui faisait... T'as fait pouet-pouet, bon, tu sais, ça amène plein d'idées pour un enfant, là. Puis ouais. Faut arrêter de faire chanter les jeunes avec des trucs qui ont... débile, puis si tu veux faire évoluer ton enfant, commence avec Vian et je vois... Moi, j'ai vu quand le groupe Police s'est reformé il y a 3-4 ans, j'ai vu chez moi grand succès Police. Hein, et tu te dis, voilà, c'est des chansons qui ont été écrites il y a 25 ans. Et puis en plus, ça flatte un peu ton ego, puisque à l'époque, tu l'écoutais dans les années 80. Exactement. Ouais. Et de voir que la nouvelle génération écoute encore Police. Il y a des gens qui reprennent, des groupes qui reprennent, malheureusement, ils ne devraient pas. Les Velvet Underground, ouais. Avec l'ego incroyable du guitariste. Tu dis, on sait très bien qu'ils, qu'ils, qui tiennent à faire de l'argent parce que sans doute qu'ils ils ont brûlé. Ouais. Mais c'est triste quelquefois. Brûler le nom d'un groupe pour faire de l'argent. Contrairement aux Stooges et des pop qui n'ont rien perdu. Donc ils poursuivent. Ouais. Ils se sont jamais arrêtés. Iggy Pop a fait cavalier seul, mais il y aurait pas clairement, Police, l'exemple est mauvais. Moi, je parlais musicalement, mais l'exemple, c'est vrai qu'ils l'ont tous dit, ils se sont reformés juste pour l'argent. Ça, c'est pour triste. Se dire, voilà, c'est vilain. Mais après, tu sais, c'est, pour moi, c'est exactement comme d'utiliser de la musique classique pour vendre de la lessive à la télé. Sur le papier, tu dis, c'est pourri. Et en même temps, d'un seul coup, tu vois, la Traviata pour, tu vois, des pubs pour des serviettes hygiéniques, tu vois, avec t'as la Traviata. Et ben, d'un seul coup, les enfants ou des gens qui ne connaissaient pas la Traviata entendent la Traviata. Bon, alors, pour eux, ils associent ça à Vania et finalement, c'est un mauvais coup pour un bon coup. Et tu vois, je trouve que la reformation de Police est fondamentalement pour eux uniquement une manne financière. Mais finalement, remet des titres au bout du jour. Mm-hmm. Et tu vois, quand j'écoute Bruno Mars, son tube, où c'est évidemment très Sting et Police, tu te dis que le succès de Bruno Mars pour une génération de justement 10-14 ans, ou 8-14 ans, est-ce que si ces enfants-là n'avaient pas entendu Police, est-ce qu'ils apprécieraient Bruno Mars, tu vois? On peut un truc positif là-dedans. Aimer un chanteur et après coup savoir que lui a été influencé par. Ouais. Donc tu vas voir les autres influences de la. Mais ça c'est plus tard, je pense. Ah oui, c'est peut-être après l'adolescence. C'est des adolescents comme nous, quoi, des adolescents de 27 ans. Oui, des prépubères de 46 ans. Mais Alex, merci d'être passé. Merci beaucoup. Puis on se retrouve à Québec. Ouais, mais je viendrai. Hein. Ah oui, ben j'espère. Je retournerai à Montréal pour citer Robert. C'est bien. Puis ben écoute, on continue à te regarder à Télématin. D'accord, ben c'est gentil. Ben, écoute, vous êtes les seuls, hein, parce que personne ne regarde. Mais c'est pas vrai. Dutron, on vous écoute. Oui, c'est vrai. Mais ça fonctionne fort aussi, vous l'utilisez en boucle avec ça. Merci. À bientôt. On prend la photo. Ah ouais. Ben oui, voyons. Est-ce que tu veux un petit café ou pas, ou tu... Non? Oh non, merci. D'accord. Toi? Je sais pas quelle heure il est. Là, j'attends Zaza. Oh, je pense qu'elle est là. Tu veux? Ok, attention. Ta-da. C'est prêt? En plus, je vais regarder si ça fonctionne, mon affaire. Attends. C'est ici. C'est... En plus, j'ai pas mis mon appareil réel. Donc, est-ce que c'est comme ça? Oui, c'est comme ça. Okay. Alors, regardez de quoi ça a l'air. On peut pas voir. Est-ce que c'est vraiment ça? Ça se peut? Ah, c'est bon. Ok. Ah. Deuxième. Merci. Très bien. Hey, à la poignée. Ouais, je t'invite. Ah, ben, oh, merci. Merci. Très gentil, hein. Ben alors, elle est pas rigolée quand même. Tu repars quand toi non, ton... Samedi. Samedi? Oui. D'accord. Samedi vers midi. Vers midi? Oui. Ah, oh, mais je vais te laisser ma carte. Bonjour. Allez. Hey, très bien. Hey, vous venez du même coin, hein? Ah bon? Oui. Bonjour, ça va bien? Oui. Tu viens du Val d'Oise? J'ai grandi dans l'Oise. Ouais. D'accord. Ouais. Et c'est ça le lien? C'est le lien, c'est ton fil rouge. Mais c'est le fil conducteur, effectivement. Ah, hey, attends un peu, c'est pas le même, non, c'est pas ça du tout. Je te donne, c'est quelqu'un bien, qui m'a envoyé ça. La carte de quelqu'un, tu sais, je pense que pour découvrir les gens. Oui, c'est bon. Il regarde, j'ai pas vraiment la gueule. Génial. Bon, hey, au plaisir. Oui, à bientôt. Salut. Au revoir, bonne journée. Ça va? Ben oui. Ton pantalon est plein de quelqu'un.